بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Donc toujours dans notre hadith, donc qui a été appelé hadith Zad Anwat, et toujours dans le chapitre, deuxième texte du chapitre intitulé Babun man tabarraka bi shajaratin wa hajarin wa nahwihima. Donc celui qui recherche la bénédiction d'un arbre, d'une pierre ou d'autre. Donc encore une fois, Allahu alam, le plus juste c'est que tabarruk, il est de deux sortes. Donc la recherche de la bénédiction, elle est de deux sortes. Soit en commettant le shirk akbar, c'était la croyance de Quraysh, comme on l'a vu dans le texte où Allah jalla wa ala dit faraita lat العزة اللات والعزة أفرأيتم اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى. Donc avez-vous vu اللات والعزة et مناة troisième divinité. Donc ils recherchaient la bénédiction de ces idoles-là en leur donnant des choses de l'adoration, comme on va le voir d'ailleurs dans le hadith, dans certaines versions du hadith de Zad Anwat, que Quraysh aussi, ils avaient comme ça des arbres où ils accrochaient leurs armes et ils recherchaient la bénédiction de cet arbre-là en donnant l'adoration. Comme le dhabh, comme le nadr, donc le sacrifice, le vœu, le ukouf, le fait de stationner à cet endroit-là par ta'adhim, par glorification pour cet arbre. Le muhim, yani, ala ibadatan, par l'adoration. Et il y a une autre recherche de bénédiction qui rentre soit dans le shirk as-sagar ou qui rentre dans la bid'a, mais qui n'est pas une bid'a mukaffira, qui n'est pas une bid'a qui fait sortir de l'islam, et qui rentre aussi dans le tashabbuh bil mushrikin, le fait de ressembler aux mushrikin, mais dans une ressemblance qui n'atteint pas le shirk akbar. Comme on va le voir, inshallah ta'ala, en citant la parole de certains ulama, et on a vu que le cours dernier, le plus important dans ce genre de texte-là, c'est de comprendre que ce texte-là, il rentre dans ce qu'on appelle le mutashabih, dans des textes qui sont équivoques, ambigus, qu'on peut comprendre de plusieurs manières, comme on va le voir après, inshallah. Et qu'il ne convient pas de s'accrocher à ces textes-là et à délaisser les grandes règles de la charia, les grandes règles du Coran et de la sunna qui sont elles muhkama, c'est-à-dire qui elles sont sans ambiguïté, qui sont claires, qat'iyya, comme le fait que le tawhid, la réalisation du tawhid se produit par deux choses, se réalise par deux choses, par l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala seul et par le rejet du shirk. Et que cette règle, on ne peut pas y opposer quelque chose qui est ambigu, et on ne peut pas comprendre et s'accrocher à un texte qui pourrait dire que celui qui commet le shirk al-akbar, il est excusé dans le sens où il reste sur l'islam, alors que le shirk est un annulant de l'islam, et que sans le désaveu du shirk, il n'y a pas d'islam. Ce qu'on avait vu dans le cours précédent, donc sur la grande règle de l'muhkam et de l'mutashabih. Et on va voir que ce hadith-là, il rentre clairement dans ce qu'on appelle le mutashabih, dans ce qui est ambigu. Et la grande règle de Al-Sunnah, c'est toujours de comprendre ce qui est ambigu, donner aux textes qui sont ambigus un sens qui est convenable et qui ne va pas contredire ce qui est muhkam, les grandes règles de la sharia, et sa plus grande règle qui est la règle du tawhid, la ilaha illallah, l'adoration d'Allah Jalla wa ala seul et le rejet du shirk. Et la grande règle, comme l'énonce l'imam Shatibi, comme on l'avait vu dans le Muwafaqat, c'est que ces textes-là, le mutashabihat, de deux choses l'une. Soit on arrive à leur donner un sens qui convient et qui va dans le sens des textes qui sont eux muhkam, des grandes règles de la sharia. Soit si on n'arrive pas à comprendre le hadith en lui donnant un sens et qu'on n'arrive pas à trouver un sens qui est convenable et qu'on ne comprend que ce qui contredit ces grandes règles-là, on doit, comme a dit Imam Shatibi, Touriha, il est mis de côté. C'est un texte qu'on met de côté et qu'on ne prend pas en compte et on s'attache à ce qui est muhkam. En tous les cas, ce qui est sûr, c'est qu'on ne va pas contredire ce qui est les grandes règles, les muhkamah, le tawhid, avec des textes comme ça ambigus. Comme on l'avait vu aussi, très important comme règle aussi, c'est que le mutashabih, l'ambiguïté ou la shubaha, l'ambiguïté ne rentre jamais dans les fondements, dans le usul, et encore moins dans asliddin. Il n'y a pas de shubaha dans le tawhid, comme il n'y a pas de shubaha dans usul et l'ihtiqad. Il n'y a pas de shubha dans les fondements de la croyance. Et que la shubha, comme le Shatibi disait, ça rentre dans le far'iyat, ou le fiqhiyat, le far'iyat, dans les branches. Que ça soit dans les branches de la croyance, on a vu qu'il y a certaines choses sur lesquelles les salafs ont divergé concernant la croyance. On a vu, ou concernant les branches dans le far'iyat, dans le fiqh, dans ce qui concerne les actes des serviteurs des mukallafin. Mais ça ne rentre en aucun cas dans la base de l'islam et dans usul et l'ihtiqad, dans les fondements de la croyance. Et que si les shubuhat, on se rappelle de la parole d'Ibn al-Qayyim, que si les shubuhat rentraient dans le tawhid et dans les fondements de la croyance, alors le Coran, il serait mutashabih du début à sa fin. Du début à la fin. Et l'implication de ceci, c'est que le fait qu'Allah Jalla ne révèle aucun livre et n'envoie aucun messager aurait été plus profitable à sa création que le fait d'envoyer un livre qui est ambigu du début à sa fin et qui va ne faire que mettre ses serviteurs dans l'ambiguïté et dans l'embarras. Or, Allah Jalla, il a décrit son livre comme étant Tibyan, Likulli Shay, Wahudan, Washifa. Comment il peut être houdan, une guidée, une guérison et un éclaircissement de toutes choses, alors que la base, le tawhid, ce qui fait la différence entre le musulman et le mushrik, c'est pas clair. Et comme, comme ce qui est la parole qui est attribuée à Ibn Abbas, radiallahu anhu, que le tafsir il est de quatre sortes, et il a cité une sorte dans le tafsir, qu'une sorte. Que nul n'est excusé dans l'ignorance de cette sorte-là. C'est-à-dire, nul n'est excusé dans l'ignorance du sens de ces versets-là. Et rentre en premier lieu dans le tawhid. Personne n'est excusé dans le sens où Allah dit: فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى. Celui qui mécroit au taghut et croit en Allah, alors a saisi l'anse la plus solide, la ilaha illallah. Personne n'est excusé dans la compréhension de ces. Plutôt, personne n'est excusé dans l'ignorance de ces versets-là. Donc, pour revenir au hadith, donc qui fait partie clairement de l'mutashabih, donc on va lire le. Et on avait dit que ce hadith-là, il constitue le pilier de l'argumentation des gens du batil. De Do'at et du Batil aujourd'hui qui utilisent ce genre de texte pour essayer de montrer que celui qui commet du shirk akbar en étant ignorant, il est excusé, excusé dans le sens. Donc là, quand eux disent excusé, ils ne visent pas simplement son jugement dans l'Akhira, mais ils visent, c'est-à-dire ils ne visent pas est-ce qu'il est châtié ou pas châtié par Allah Azzawajal. Ils visent à la base. Son statut, c'est-à-dire cette personne-là est excusée, elle reste musulmane. Donc c'est quelqu'un qui s'attribue à l'islam, qui souvent dit les deux shahada, qui prie, qui jeûne, et qui va commettre le shirk akbar, donc qui est considéré comme un annulant de l'islam, comme le premier annulant que les ulama citent dans leur livre, et ils vont le considérer comme, ils vont l'excuser en continuant à juger de son état, donc de musulman. C'est ça qu'on veut quand on dit l'udhr bil jahl. L'excuse par l'ignorance, c'est ça qu'ils veulent dire. C'est, il est excusé dans le sens où il reste musulman. Ce qu'ils visent, c'est ça. Il y a un autre groupe de gens qui disent qu'il est excusé, mais qu'il n'est pas musulman. Il est mouchrik, mais il n'a pas compris la preuve. Il n'a pas compris le Coran, mais il n'est pas musulman. Il n'a pas réalisé l'islam et Allah subhanahu wa ta'ala, il fera pas, s'il n'a pas compris la preuve, il fera partie des gens qu'Allah il peut excuser, qu'Allah il va, comment dire, qu'il va tester, etc. Donc ça, c'est un autre groupe, c'est un autre sujet, c'est notre bid'a qui est moins grave que la bid'a de dire que celui qui commet le shirk al-akbar et celui-là, il est musulman. Il est excusé dans le sens où il reste sur l'islam. Et ce hadith-là, il constitue encore une fois le pilier de leur argumentation. Il rajoute avec ça quelques autres textes et il rajoute surtout beaucoup, beaucoup, beaucoup de paroles de savants ambigus, comme les paroles de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, en particulier parce que le Cheikh, il a beaucoup de paroles, certaines qui sont effectivement ambiguës, et certaines paroles du Cheikh Mohammed Ibn Abdel Wahhab, rahimahullah, lui-même. Donc pareil, certaines paroles qui, lorsqu'elles sont prises effectivement indépendamment du reste de ce qu'il dit et de ses usuls, peuvent être comprises à leur manière à eux. Mais encore une fois, ce qui nous intéresse toujours, puisque la règle qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a citée au début de sourate Al-Imran, la fameuse règle qu'on a lue la dernière fois, le muhkam al-mutashabih, Allah Jalla wa Ala, il nous dit que ça concerne le Coran, mais aucun doute que ça concerne la Sunna, comme c'est le cas ici dans le hadith de Abi Waqid al-Laythi, et ça concerne encore de manière plus claire la parole des ulama. Si dans le Coran, qui est la parole d'Allah Azzawajal, et dans la Sunna, qui est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou ses actes, il y a des mutashabih, il y a des choses ambiguës, donc dans la parole des êtres humains, il y a des choses qui, l'ambigu, il tombe encore plus fréquemment. Et c'est pour ça que souvent ils vont utiliser comme argumentation que Cheikh l'Islam Taymiyyah il a dit kada, il a dit ceci, que Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab il a dit ceci et cela. Et la règle concernant la compréhension de la parole de l'ulama est la même règle. On renvoie toujours ce qui est ambigu au soul du Cheikh. Et souvent on va trouver qu'ils vont utiliser des paroles du Cheikh, par exemple Mohammed ibn Abdel Wahhab, ils vont utiliser des paroles alors que le Cheikh lui-même, il a écrit des textes clairs qui sont des bases pour expliquer le tawhid, comme Asluddin al-Islam wa qa'idatuhu amran, que le cheikh a cité, qu'il a écrit, ou comme dans Mufid al-Mustafid. Mufid al-Mustafid fi kufri tariki tawhid. Chauffe le titre juste. Mufid al-Mustafid fi takfir fi kufri tariki tawhid. Donc le Mufid al-Mustafid, donc c'est une explication, un traité de celui de la mécréance de celui qui délaisse le tawhid, c'est-à-dire qui commet le shirk, où il parle dans ce texte-là de takfir al-mu'ayyan. Donc souvent ils vont utiliser des paroles qui contredisent des usuls, les usuls du shirk lui-même qu'il a clairement exposé dans d'autres textes. Donc il faut toujours renvoyer de la même manière qu'on renvoie le mutashabih du Coran à ce qui est muhkam. Dans le Coran, on renvoie le mutashabih des ulama à ce qui est muhkam chez eux. Les livres dans lesquels ils ont exposé leur usul, leur base. Donc pour revenir au hadith, donc le hadith, il est rapporté entre autres par l'imam al-Tirmidhi, an Abi Waqid al-Laythi, قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء وعهد بكفر وللمشركين سدرة يعكفون ويحكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنوط فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنوط كما لهم ذات أنوط فقال صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن إنها السنن قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون لا تركبن سنن وسنن من كان قبلكم رواه الترمذي وصححه. Donc le hadith rapporté par Abu Waqid al-Laythi et dit: nous sommes sortis avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam à Hunayn, la bataille de Hunayn. Et nous venions de quitter la mécréance. Il venait de rentrer en islam, comme il va l'expliquer dans le Hachia. Et les mouchriquins avaient un arbre. Un arbre auprès duquel ils stationnaient. C'est-à-dire auprès duquel ils restaient, ils stationnaient auprès de cet arbre. Fréquentaient assidûment cet endroit-là. Et sur lequel ils accrochaient leurs armes. Et il était appelé Dhatu Anwat. Et nous sommes passés auprès de cet arbre. Je crois qu'ils traduisent jujubier ou quelque chose comme ça. Et le Mohim, ils ont dit, ô envoyé d'Allah, désigne-nous un arbre semblable au leur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est écrié, Allahu Akbar, ceci est la voie, donc ce que vous avez dit, par celui qui détient mon âme dans sa main. Ceci est semblable à ce qu'ont dit les enfants d'Israël à Moussa, lorsqu'ils lui ont dit, désigne-nous une divinité semblable à leur divinité. C'est-à-dire lorsqu'ils ont vu un peuple, lorsque Banu Israël, qui était avec Moussa, ils ont vu un peuple. Et ça, c'était après avoir été sauvés par de Pharaon, après que la mer se soit séparée, etc. Ils ont vu un peuple qui adorait les idoles, ils ont demandé à Moussa cette demande-là. Et Moussa, alayhi salam, il leur a dit, vous êtes un peuple ignorant. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, vous allez suivre la voie ou les voies des gens d'avant vous. Ça, c'est rapporté par l'imam At-Tirmidhi et il dit que c'est un hadith qui est authentique. La majorité des ulama, ils voient que ce hadith-là, il est authentique. Même si il y en a d'autres qui voient que le hadith il a une faiblesse. Mais d'une manière globale, quand les mubtadi'a ils utilisent un texte, un hadith comme celui-ci ou d'autres qui sont ambigus et qui essayent de les utiliser pour contredire ce qui est qat'i, ce qui est muhkam, il ne faut pas se contenter de répondre à le mubtadi'a que le hadith il n'est pas thabit, il n'est pas juste. Parce que lui va répondre, évidemment, en disant, toi, tu es qui l'a rendu daïf, qui l'a rendu sahih, etc. Non, plutôt, oui, qui l'a rendu daïf avant toi. C'est comme la parole de Ibn Abbas, radiallahu anhu, kufrun duna kufr, dans le hukm, dans le jugement, donc la fameuse parole, le fameux commentaire d'Ibn Abbas sur le verset où Allah dit Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Il a été rapporté d'Ibn Abbas qui dit de ce verset Laysa al-kufra alladhi tadhhabuna ilayhi, ou d'autres paroles qui sont connues, kufrun duna kufr. Il ne s'agit pas de répondre que la parole d'Ibn Abbas elle est faible, même si ça peut être vrai, le fait d'attribuer cette parole à Ibn Abbas, ce n'est pas le plus juste, mais. Les gens, le mukhalif, celui qui contredit, va dire, mais toi, t'es qui pour rendre la parole d'Ibn Abbas da'ifa, alors que Al-Hakim et d'autres savants du hadith ont dit qu'elle était sahiha, toi, t'es qui pour les contredire? Donc, ça va pas être une réponse qui va être convaincante, ni pour le mukhalif, ni pour celui qui écoute le débat, le munadhara, ilakhiri. Taïf, donc le hadith, de toute façon, la majorité des ulama disent qu'il est sahih. Comme l'imam al-Tirmidhi, à la fin, il l'a authentifié lui-même. Il l'a ramené dans son jami. Donc, Abu Waqid al-Laythi, al-Muhashi, donc le Cheikh ibn Qasim, rahmahullah, dit « Wasmuhu al-Harithu ibn Auf, sahabi mashhur aslama qabla al-Fath. » Si on cherche en détail, on va trouver qu'il s'est converti l'année de l'Fath Mecca, l'année où il y a eu la conquête de la Mecque, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons ont repris la Mecque, c'est cette année-là qu'il s'est converti. Il y a d'autres versions qui disent que. On va le dire après, Inch'Allah. Donc il a participé à Fath Mecca et il portait l'étendard de Banu Layth et de Banu Damra et de Sa'd ibn Bakr. Donc le jour de la prise de la Mecque, il portait l'étendard. Et il est sorti à Mecca, il est resté à Mecca et il est mort en l'année 68. Et il avait 85 ans. Il nous dit, c'est au hadith d'Amr ibn Aouf, عند الحاكم وغيره, غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح, ونحن ألف ونيف حتى إذا كنا بين حنين وطائف إلى آخره, وحنين واد بشرقي مكة بينه وبينها 17 ميلا, قاتل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم هوازن بعد الفتح والقصة مشهورة. Dans la version de l'Hakim, qui rapporte le hadith de Amr ibn Auf et d'autres, nous avons combattu avec l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam le jour de la prise de la Mecque. Nous étions plus de 1000. Donc en fait, le sens, c'est-à-dire qu'ils sont partis de la Mecque. ونحن ألف ونيف parce qu'ils étaient plus que ça, Allah Alam. وحتى المهم jusqu'à qu'ils soient entre Hunayn et Taif. Et donc il a akhiri yani le hadith. Hunayn, c'est une vallée à l'est de Mecca. Il y a entre Hunayn et Mecca un peu plus de 10 000. Et c'est à cet endroit-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a combattu la tribu de Hawazin. Donc après avoir pris la Mecque. Et bon, c'est une histoire qui est connue dans les livres de Sirah, etc. Dans la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans les Sirah, c'est une bataille, une grande bataille qui est connue. La bataille de Hunayn, où il a combattu Hawazin. Il dit ونحن حدثاء أحد بكفر أي قريب عهدنا بالكفر لأنه ممن أسلم يوم الفتح يشير إلى أهل مكة الذين أسلموا قريبا فلذلك خفي عليهم هذا الشرك ولهذا اعتذروا مما صدر منهم قال المصنف فيه أن غيرهم من يجهل ذلك وأن المنتقل من الباطل الذي اعتداه قلبه لا يؤمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة. Donc ils ont dit نحن حدثاء عهد بكفر. Nous venions de quitter la mécréance, puisque c'est des gens qui sont rentrés en islam le jour de la prise de la Mecque, ou peu avant. Donc ça, c'est concernant Abu Waqd Laythi. Il y a certains ulama qui ont rapporté que Abu Waqd Laythi, dans d'autres versions, il aurait participé à la bataille de Badr. Il y en a, ils rendent le hadith da'if comme ça. Ils rendent le hadith da'if en disant que ce hadith, il ne peut pas être juste parce qu'il est rapporté par Abu Waqd Laythi. Et qu'Abu Waqid al-Laythi, il dit dans le hadith que nous venions de quitter la mécréance alors qu'il a participé à Badr. Il y a une contradiction. Or, Abu Waqid al-Laythi, dans ce qui est rapporté par l'A'imma comme Zuhuri et d'autres, il est bien rentré l'année de la prise de la Mecque en islam. Le muhim est le fait qu'il vienne de rentrer en islam, c'est pour ceci que cette sorte de shirk lui était, du moins aux compagnons qui ont demandé ceci, cette sorte de shirk, si on prend en considération que ce qu'ils ont demandé c'est du shirk akbar, ce qui est loin d'être clair dans le hadith, mais si on prend en considération cette compréhension-là, alors on explique ça par le fait que cette sorte de shirk, ce qu'ils ont demandé, ne leur était pas connu. Ils ignoraient que ça rentrait dans l'ibad, comme on va le voir après. Ça explique que eux ne savaient pas parce qu'ils venaient de rentrer. Et que autre que eux, les compagnons et qui plus est les savants parmi les compagnons ou les gens qui étaient anciens dans l'islam, ils savaient que cette chose-là, ça rentrait dans le shirk et que ça contredisait l'islam. Donc, déjà ici, on peut dire que même cette compréhension-là, Elle concerne celui qui fait ou qui demande, on verra, parce qu'ils n'ont pas fait le shirk, ils ont demandé à faire quelque chose qui est du shirk sur cette compréhension, mais ils n'ont pas fait le shirk. Deux choses différentes. Mais que ce hadith-là, en tous les cas, il concerne une partie de gens, des gens qui viennent de rentrer en islam. Ce qui est étonnant, on trouve des gens qui vont utiliser ce hadith-là pour excuser tous les mouchriquins qui viennent de rentrer en islam, qui soient anciens en islam. Tu vas trouver que même la personne, c'était un shir, il est talib al-ilm, il est tout ce que tu veux. Il commet une sorte de shirk et on va l'excuser par son ignorance en utilisant le hadith d'Abi Waqd al-Layfi. Alors que le hadith d'Abi Waqd al-Layfi, il concerne une groupe de compagnons qui venaient de rentrer en islam. Donc déjà, on est déjà hors sujet. Sur ce raisonnement-là. Et c'est pour ça que l'imam Cheikh Mohammed, rahimahullah, il dit dans Al-Masail, il dit que d'autres que ses compagnons-là n'ignoraient pas ceci. Et que celui qui quitte l'égarement auquel s'est habitué son cœur, donc auquel s'est habitué, s'est attaché son cœur, celui qui quitte le shirk, il n'est pas à l'abri d'avoir encore des restes du shirk sur lequel il était, dans son cœur et dans sa croyance. Il n'est pas à l'abri d'avoir encore des restes de ce shirk-là, qui étaient ses habitudes dans le jahiliya avant l'islam. Ça, c'est la parole du shirk. Ensuite, il nous explique le hadith, ce que ces mouchriquins-là faisaient auprès de cet arbre. Walil mouchriquina sidra ya'kifun ou ya'kufun. On peut dire les deux choses. Ya'kifun, ya'kufun, indaha. Et les associateurs donc avaient un arbre qu'ils appellent le jujubier et ils y stationnaient. C'est-à-dire qu'ils restaient toujours auprès, à cet endroit-là, auprès de cet arbre. Donc là, il dit ayyal bathun wa yuqimun indaha wa yu'azzimunaha. C'est-à-dire qu'il restait à cet endroit-là de manière fréquente, continuelle, et qu'il glorifiait cet arbre-là. Il glorifiait cet endroit-là. Donc c'est le fait de rester à un endroit, mais à la wajh al-ta'zim, c'est-à-dire par glorification. Il dit ensuite, il explique ce que c'est l'ukuf. Il dit dans le hadith, le compagnon il dit, يعكفون عندها إذ والعكوف والبقاء واللبث والإقامة على شيء في المكان عبادة وتعظيما وتبركا وإنما عكفوا عندها لما كانوا يأمنونه فيها من البركة إذ العكوف c'est le fait de se stationner à un endroit. Et là, ici, trois choses. Ibadatan, par adoration. Ta'ziman, par glorification. Et wa tabarrukan, en recherchant la baraka. Ici, ces trois choses. Ibadat, ta'zim, wa tabarruk. Nous, ce qui nous intéresse ici, c'est tabarruk. Il n'y a aucun doute que celui qui reste à un endroit, par adoration, par ta'zim, pour cet endroit-là, pour cet arbre-là, pour cette tombe-là, pour cette idole-là, il n'y a aucun doute qu'il est mouchrik. Si c'était clair dans le hadith que les compagnons, ils avaient fait ça, il n'y aurait pas de discussion. Mais ici, on va voir que c'est loin d'être clair que ce qu'ils ont demandé, ça concerne l'adoration ou le ta'adhi. Le tabarruk, oui. La recherche de baraka, mais comment? Par quoi? Et donc, il dit qu'ils stationnaient à cet endroit-là en espérant être touchés par la baraka. Mais on va voir que ces mouchriquins-là, qu'ils ont vus, on va voir qu'ils faisaient des choses qui étaient clairement de l'adoration pour autre qu'Allah Jalla wa'ala, qui étaient clairement de l'adoration pour cet arbre, pour ce sidra, en espérant, comme ils l'ont fait avec toutes les autres idoles, Lat wa al-Uzza wa Manat. D'ailleurs, on avait vu que al-Uzza, parmi les salafs, il y en a qui disent que c'était un arbre, al-Uzza. Wa Manat wa Hubal. Ou toutes les autres divinités adorées en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils recherchaient leur bénédiction comment? En leur donnant quelque chose de l'adoration, comme on l'a vu au début du bab, au début du chapitre, dans le verset de Faraytum Mullat wal Uzza C'est ça le sens. On cherche la bénédiction, mais en leur donnant quelque chose de l'adoration. Donc ça, c'est la définition du shirk. Et on va voir que c'est ce que les mouchriquins de Quraysh, entre autres, faisaient eux avec leur arbre à eux. Et là, il compare ce shirk-là à ce que font les adorateurs de tombes al-Qubriyoun aujourd'hui. Kama ya'kifu 'ubad al-qubur al-yawm 'indaha wa yujawiruna wa tadfa'u sadaqat wan-nuzur li tilka al-qubur. وفي حديث عمرو بن عوف قال كان يناط بها السلاح فسميت ذات أنواط وكانت تعبد من دون الله فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم صرف عنها في يوم صائف إلى ظل هو أدنى منها إلى آخره فيجمع بينهما بأن عبادتها هي العكوف عندها رجاء لبركتها. Et donc ceci, le fait de stationner à un endroit où il y a un arbre et en lui donnant des sortes d'adorations comme la sadaqa, le fait des offrandes ou la sadaqa, des vœux, etc. C'est quelque chose qui ressemble à ce que font les adorateurs de tombes aujourd'hui. Donc les adorateurs de ces... Ici c'est intéressant ce qu'il dit parce que c'est très important... C'est que les mouchriquins de Quraysh qui donnaient ces adorations-là à ces idoles-là, aucune différence entre eux et entre les Qubouriyins et l'Yom, même s'ils s'attribuent à l'islam, qui disent la ilaha illallah, mais qui vont faire le même type, qui vont donner le même type d'adoration aux tombes. Pas de différence, comme on le verra à la fin du chapitre. Et dans la version de Amr ibn Auf du hadith, donc rapporté par le Hakim, comme on l'a vu avant, ils y accrochaient leurs armes. On sait que les mouchriquins, ils accrochaient à cet arbre-là leurs armes pour rechercher la baraka. Que leurs armes, elles soient bénites, mais en faisant quoi? En donnant des sortes d'adoration à l'arbre. C'est pour ça qu'il dit après, et cet arbre-là, il était adoré en dehors d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Il était adoré en dehors d'Allah. Et lorsque le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a vu cet arbre, il s'est détourné. Donc un jour de grande chaleur vers une ombre qui était un peu plus bas, il a écrit dans le hadith de Amr ibn Auf. Et donc ce qui réunit les deux versions, c'est que l'adoration qui était vouée à cet arbre-là, c'est le fait de se stationner, de rester à un endroit en espérant cette baraka, la bénédiction, de l'arbre, sur cette compréhension. يقال لها ذات أنواط وينوطون بها أسلحتهم. Donc ces mouchriquins-là, ils attachaient leurs armes à cet arbre. أي يعلقونها عليها لتنالهم بركتها. فعبادتهم لها بالتعظيم والعكوف والتبرك. وبهذه الثلاثة العكوف والتعظيم والتبرك عبدت الأوثان من دون الله واللفظ ابن إسحاق وغيره وكانت لقريش شجرة خضراء عظيمة يأتونها كل سنة فيعلقون عليها سلاحهم ويعكفون عندها ويذبحون لها ينوطون c'est-à-dire يعلقون ils accrochaient leurs armes, pour en tirer la baraka, pour avoir la bénédiction, pour que leurs armes soient bénites. Et il dit que leur adoration, donc l'adoration des mouchriquins, ces mouchriquins-là, desquels le professeur Salem, il s'est écarté quand il a vu ça. Encore une fois, il répète, c'était par le ta'zim, la glorification, al-ukuf, le reste, le fait de rester à un endroit, et tabarruk, la recherche de la bénédiction. Nous, ce qui nous intéresse toujours, c'est ce fameux tabarruk, parce que c'est le sujet du chapitre. Encore une fois, il n'y a aucun doute que quelqu'un qui donne l'adoration ou ta'zim, qui glorifie, comme on glorifie Allah Azza wa Jal, un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ou qui donne l'adoration, sadaqat, ou al-nuzur, les vœux, ou comme il le dit dans le hadith, dans la version d'Ibn Ishaq, comme il l'a cité là, il n'y a aucun doute que celui-là, il a commis du shirk akbar. Il dit, et par ces trois choses, les idoles ont été adorées. Al-Ukuf, là c'est le stationnement, la glorification et la recherche de la bénédiction. Et dans les mots du hadith d'Ibn Ishaq et d'autres, et Quraysh avait un arbre vert gigantesque. Ils y venaient chaque année. Ils y accrochaient leurs armes et ils y restaient. Ils y stationnaient. Et ils sacrifiaient pour l'arbre. Donc là, il n'y a aucun doute que l'acte des mouchriquins de Quraysh, c'était l'ibad. Comme ça vient dans le chapitre suivant, le sacrifice, le fait d'immoler, de sacrifier ce qu'on appelle le qurban pour un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est parmi les ibadah, parmi les plus grandes ibadat. Et eux, ils faisaient ça. Donc, il n'y a aucun doute qu'eux, ils étaient sur le shirk. Maintenant, la question, c'est quand les compagnons ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de leur désigner un arbre comme eux, ils ont un arbre. La question, c'est pour faire quoi? Comme on va le voir dans la suite du hadith. Mais là, c'est clair que dans ces riwayas-là, dans ces versions-là du hadith, il y a une indication claire et nette sur l'adoration de Quraysh pour cet arbre-là. Donc, il était appelé Zatu Anwat. Il dit Jem Anout, c'est-à-dire Anwat, c'est le pluriel de Naout. Jem Anout, Wahua Masdar. Soumia Bihi El Manout. وإنما سميت بذلك لكثرة ما يناط بها من السلاح وفي رواية فتنادينا من جانب الطريق ونحن نسير إلى حنين يا رسول الله اجعل لنا إلى آخره. Donc il était appelé ذات أنواط. Donc c'est-à-dire celui auquel on accroche quelque chose. Il dit, un naut, c'est un masdar. Donc, un naut, à la base, ça veut dire c'est le fait d'accrocher, l'action d'accrocher, mais on a appelé l'arbre par ceci, c'est-à-dire el manout, c'est-à-dire l'arbre, celui auquel on accroche quelque chose, il a été appelé anwat. Pourquoi? Parce que les gens, ils y accrochaient beaucoup de choses en recherchant, encore une fois, la bénédiction, et ici, ils y accrochaient leurs armes. Et dans une riwaya, c'est-à-dire que ils ont appelé ensemble du côté. Sur le côté de la route, ils allaient vers Hunayn, ô envoyé d'Allah, ô messager d'Allah, désigne-nous un arbre. Jusqu'à la fin du hadith. Ephemararna bisidara, nous sommes passés auprès de l'arbre et nous avons dit, ô envoyé d'Allah, ô messager d'Allah, désigne-nous un arbre comme qui est semblable au leur. Désigne-nous un arbre comme eux, ils ont un arbre, semblable au leur. Donc c'est là que ça, on rentre dans le vif du sujet. Qu'est-ce qu'ils ont voulu faire? Qu'est-ce qu'ils ont demandé? Il dit, Sa'aluhu, an yaj'ala lahum shajaratan mithlaha, yatabarrukana biha, wa yu'alliquna 'alayha aslihatahum wa ya'kufuna 'indaha. ظننا منهم أن هذا أمر محبوب عند الله وأنه صلى الله عليه وسلم لو جعل لهم مثل ذلك لجاز اتخاذها لحصول البركة فطلبوه من النبي صلى الله عليه وسلم وإلا فهم أجل قدرا من أن يقصدوا مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم. Donc ils ont demandé. Donc, sur cette compréhension-là, ils ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il leur désigne un arbre semblable au leur, par lequel ils puissent rechercher la bénédiction et sur lequel ils puissent accrocher leurs armes. Jusqu'à là, on est d'accord. Eux, ils ont vu quoi? Un arbre auquel ils avaient accroché leurs armes. Ils ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de désigner un arbre semblable à pour eux, c'est-à-dire propre à eux, un arbre qui soit semblable au leur. Et là, le Muhashi, il rajoute, ici, s'ils disent et qu'ils demandent au prophète sallallahu alayhi wa sallam un arbre pour stationner, c'est-à-dire à la wajhi ta'zim, L'ibada, par glorification, pour adoration, pour l'arbre, comme le faisaient ces mouchriquins-là, هذا يحتاج إلى النص. Ça, c'est pas clair dans le hadith. Clairement, ce qu'il dit là, c'est pas clair dans le hadith. Eux, ils ont demandé un arbre auquel accrocher semblable au leur, c'est-à-dire un arbre sur lequel on attache les armes. Ils se rendaient à Hunay pour se battre, sans armée. Il n'est pas clair qu'ils aient demandé à faire la même chose que ces mouchriquins-là de Quraysh. Ils faisaient. Et la base, c'est que ces compagnons-là, ils se sont désavoués du dîn de ces gens-là. Ils se sont écartés, ces gens-là, le jour de Mecca. Ils sont rentrés en islam. Ils ont abandonné leur dîn, l'adoration des idoles. Ils se sont désavoués de ces gens-là. Ça, c'est la base. L'asl. Donc, le fait qu'ils aient demandé un arbre pour faire la même chose qu'eux, Allahu alam, fi nazar. C'est pas clair déjà dans le hadith. Et ça, c'est pas ma parole à moi. On verra que c'est la parole des ulama plus anciens. Et on verra que chez les anciens, Wallahu alam, chez les anciens, on trouve personne qui a expliqué ce hadith-là en disant que ce qu'ils ont demandé, c'est du shirk akbar. On trouve pas cette parole chez les ulama, chez les anciens. Il dit en pensant, ils ont demandé ça en pensant que c'était quelque chose qui était aimé par Allah Azza wa Jal. Et que si le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur avait désigné un arbre pour faire ceci, pour eux ça aurait été licite. Le fait de prendre cet arbre pour faire ça, pour eux ça aurait été licite pour obtenir la baraka, pour rechercher la bénédiction de l'arbre. Et ça, c'est ce sens-là, c'est la base chez tout mubtadi'. Tout mubtadi', il fait une chose, il pense que cette chose-là, elle est aimée par Allah. Comme les mouchriquins de Quraysh, ils pensaient que le fait de donner l'adoration et de prendre des intermédiaires entre eux et Allah Azza wa Jal, en leur donnant l'adoration, ils pensaient que c'était quelque chose qui était aimé Allah, par Allah. مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَّا اللَّهِ زُلْفَ. Nous les adorons que pour qu'ils nous rapprochent d'Allah. Pour eux, ils ont pris ça comme dîn, pour quelque chose qui est aimé par Allah. Ça ne les a pas sauvés d'être des mouchriquins. Ça n'a pas empêché que ce qu'ils ont fait, c'est du shirk akbar, qui a fait d'eux des mouchriquins, qui a rendu leur sang licite. Donc le fait de ne pas savoir que quelque chose est du shirk, ça n'empêche pas de faire que celui qui le fait, il est mouchriq, il a donné l'adoration à un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais là encore, comme on va le voir, il y a une grosse nuance, c'est que les compagnons, ils ont demandé à le faire, mais ils ne l'ont pas fait. Taïb. Et il dit que, pour comprendre, c'est qu'ils ont demandé quelque chose, comme on le verra après, on va citer une parole de Abdullah Abu Boutaïn. Ils ont demandé quelque chose, ils n'ont pas compris que cette chose-là, ça rentre dans l'adoration. Puisque s'ils le savaient, jamais ils l'auraient demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et s'ils savaient que ça contredit la charia, jamais ils auraient demandé ça au prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est des gens qui étaient rentrés en islam, qui s'étaient soumis à Allah et qui obéissaient à son messager. Qui ne savent pas que ça contredit la charia à la base, même si encore une fois, le mouchrik, lorsqu'il donne l'adoration à un autre qu'Allah, qu'il sache ou qu'il ne sache pas, ça fait de lui un mouchrik. Ça, c'est la base. Ça, c'est le muhkam, comme on l'a appelé. وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ لَيَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ إِنَّهُمَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ. Tous ces textes-là, qui sont des grandes règles, qui montrent que le mouchrik, il est mouchrik, il n'est pas musulman. Puis il dit, فقال صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand ils ont demandé ceci, il s'est écrié Allahu Akbar. Il a fait le takbir. Allah est le plus grand. Innaha as-sunan. Ceci sont les voies. Muhashi dit ay Allahu, donc le sens du takbir. Allahu ajallu. Allahu ajallu wa a'zamu. Siratu ta'ajjub. وإن كان إجلالا لله وتنزيها له عما لا يليق بجلاله وعظمته مما لا يليق بجلاله وعظمته أن يتخذ شجرة يطلب منها البركة. إنها السنن يعني سلكتم كما سلك الذين من قبلكم السنن المذمومة والسنن بالضم السين الطرق جمع طريق والمراد تقليد من تقدمه من أهل الشرك وفي رواية سبحان الله والمراد تعظمه تعالى وتنزيهه أن يشرك معه أحد في عبادته وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعمل التسبيح والتكبير في حال تعجب تعظيما لله وتنزيها له سبحانه إذا سمع من أحد ما لا يليق به تعالى مما فيه هدم للربوبية وتنقص في الألوهية وهكذا ينبغي لكل مسلم أن يسبح ويكبر إذا سمع ما ينبغي أن يقال في الدين. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit Allahu Akbar, c'est-à-dire qu'Allah est plus grand, est au-dessus, que ce soit dans sa grandeur, fidhat yani, ou dans sa grandeur, dans sa valeur, Allah jalla wa ala, il est au-dessus de ceci. Et ceci, on l'utilise comme sirat ta'ajjub, quand on s'étonne de quelque chose, on utilise soit le takbir Allahu Akbar, soit le tasbih. Ça fait partie de l'akhlaq al-muslimin. Quand on voit quelque chose, soit qui contredit la religion, ou quelque chose qui est qabih, qui est laid religieusement parlant, on utilise le takbir ou le tasbih. Et donc on connaît le sens du takbir, Allahu Akbar, Allah est le plus grand, Allah subhanahu wa ta'ala, on sait qu'il est plus grand que toutes ses créatures, même plus grand que le trône qui est la plus grande des créatures. Le hadith qu'on a vu dans Al-Wasitiyya. Wa at-tasbih, on sait que le sens du tasbih, c'est at-tanzih. Le fait de déclarer qu'Allah Jalla wa Ala, il est exempt de tout défaut, qu'il est, et ceci, ça entraîne la perfection. Allah Jalla wa Ala, il n'a aucun défaut, il n'a aucun associé, rien ne lui ressemble, et aucun défaut ne l'atteint, et aucun manquement. Et il est celui qui a les sifat de perfection, le sens de At-Tasbih dont on a déjà parlé. As-Sunan, c'est As-Sunan, le jam' le pluriel de Sanan, Sunan, c'est-à-dire At-Turuq, les voies. C'est-à-dire le sens de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous allez suivre les voies qu'ont suivies ceux d'avant vous, c'est-à-dire les voies de la bid'a et les voies de la bid'a, qu'elles soient shirkiya ou qu'elles ne soient pas shirkiya, comme on verra après, inshallah ou ta'ala, dans la parole de l'imam Shatibi. Et le sens, c'est le fait de suivre. Vous allez suivre les voies de ceux d'avant vous, c'est-à-dire vous allez les suivre dans les voies de l'égarement qu'ils ont empruntées, que ça soit le shirk ou d'autres choses que le shirk. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit man tashabbaha biqawm fa huwa minhum. Celui qui ressemble à un peuple, il fait partie d'eux. Que cette ressemblance soit dans le shirk ou que cette ressemblance soit dans d'autres choses. À chaque chose son degré. Et comme on l'a dit dans une riwaya, il a employé le tasbih. Donc le tasbih, comme on l'a dit, c'est le fait de dire qu'Allah Jalla wa Ala, il est exempt de tout défaut, de tout semblable, de tout associé, etc. Qu'il n'a aucune insuffisance, aucun manquement, aucune incapacité, aucune ignorance, aucun défaut. Comme on l'avait vu dans Al-Wasitiyya, et donc At-Tasbih wa At-Takbir, c'est ça que on doit utiliser, que le musulman il utilise l'akhlaq du musulman quand il voit quelque chose qui est laid religieusement parlant. Ensuite il dit qul dimna, il dit walladhi nafsi biyadih قلتم والذي نفسي بيدي كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. Il dit, et par celui qui détient mon âme dans sa main, vous avez dit comme on dit les enfants d'Israël à Moussa, désigne-nous une divinité comme eux, ils ont des divinités. Le sens est ij'al lana mithalan na'buduhu kama lahum aliha. ولم يكن ذلك شكا منهم في وحدانية الله تعالى وإنما معناه اجعل لنا شيئا نعظمه ونتقرب به إلى الله تعالى. Ici, il explique le sens de la parole des enfants d'Israël qui étaient avec Moussa. Donc après avoir été sauvés de l'armée de Pharaon, et après que Pharaon et son armée étaient noyés dans les flots de la mer, Ils sont arrivés, ils ont vu des gens adorer des idoles. Ils ont demandé à Moussa alayhi salam de leur désigner un ilah, ma'bud, une divinité en dehors d'Allah azza wa jal. Comme eux, ils ont des divinités. Là, il explique ceci en disant, désigne-nous quelque chose de semblable pour que nous l'adorions, comme eux ont des divinités. Là, le prophète, comme on va le voir, le prophète sallam, il a comparé la parole des compagnons à cette parole. Déjà, cette parole-là, quel est le statut de cette parole-là? Quel est le statut de quelqu'un qui dit « Désigne-moi une divinité, je vais l'adorer en dehors d'Allah. » Ça, c'est une parole de kufr, une parole de shirk. Et celui qui dit ceci, cette parole-là, elle contredit directement « La ilaha illallah ». Et à la base, celui qui dit ça, c'est quelqu'un qui n'a pas compris le sens de la ilaha illallah, et c'est une parole de kofre clair, et par cette parole-là, il est mushrik kafr, il ne peut jamais être musulman. Ou du moins, s'il était musulman, il sort de l'islam par cette parole-là. Clairement. La question, est-ce que la parole ou la demande des compagnons, elle est tout à fait, même si, il faut noter quand même que dans le verset, Wallah jalla wa ala, Allah alam, dans le verset de Surat al, je crois que c'est dans l'A'raf, où ce verset-là, lorsqu'ils ont demandé à Moussa, il me semble que c'est dans l'A'raf, Allah alam, il y a certains mufassirines, savants du tafsir, qui ont vu que ce n'était pas du shirk akbar. Il y a un khilaf entre les mufassirines. Est-ce que la parole de Banu Israël, c'était du kofr ou non? Je trouve le khilaf, je le trouve bizarre, Allahu alam, parce que la parole qu'ils ont prononcée, ici il dit désigne-nous une divinité ilah, comme eux ils ont des divinités. Là ça contredit directement, ça rentre directement dans la ilaha illallah. Une seule divinité c'est Allah Azza wa Jal, eux ils disent désigne-nous une divinité en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il l'a bien traduit en disant na'budu, ma'bud. L'ilah ma'boud, un adore, une idole en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Kufr hada. Là, c'est une parole de shirk et c'est une parole qui va détruire directement la ilaha illallah. C'est une parole qui montre à la base une ignorance dans le sens du tawhid, du tawhid directement. Et là, il dit, alors là, je ne sais pas de qui il parle, il dit وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ شَكَّ مِنْهُمْ فِي وَحْدَنِيَةِ اللَّهِ تَعَالَى. S'il parle des enfants d'Israël qui ont demandé ça à Moussa, j'ai du mal à comprendre ça. C'était pas un doute dans l'unicité d'Allah Jalla wa Ala dans l'adoration. Comment tu demandes une autre divinité en dehors d'Allah pour l'adorer en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala et c'est pas un doute dans le wahdaniya, dans l'unicité d'Allah Jalla wa Ala dans l'adoration. Ajib, kayf. Ou alors je sais pas s'il parle là des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dit وإنما معنا اجعل لنا شيئا نعظمه ونتقرب به لله تعالى. Donc le sens c'est désigne-nous quelque chose, on va le glorifier. On sait que le ta'zim c'est la base de l'adoration. Le mahabba, wa ta'zim wa dhul. Le fait de se rabaisser, de s'humilier et d'aimer d'un amour de glorification. C'est ça, c'est la base de ce qu'il y a dans le cœur, c'est la base de l'adoration. Donc ça, c'est ce qu'ont demandé les enfants d'Israël. Ça, clairement, c'est une parole qui détruit la ilaha illallah directement. Là, il continue en disant « وَشَبَّهَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ مَا قَالَتَهُمْ هَذِي بِقَوْلِ بَنِي إِسْرَائِيلِ بِجَامِعْ أَنَّ كُلًا طَلَبُوا أَنْ يُجْعَلَ لَهُ مَا يَأْلَهُهُ وَيَعْبُدُهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a comparé, shabbaha, tashbih. Ça, on le trouve où? On le trouve dans le kef. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, kama qalat banu israël, kama, kama, ils appellent le harf tashbih. C'est pour comparer deux choses. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a comparé la parole des compagnons à cette parole-là qu'ont prononcé Banu Israël. Parce que la chose qui commune aux deux paroles, c'est le fait de demander quelque chose qu'ils vont adorer. Ya'alaha, on sait que Aliha ou Alaha Ya'alahu, c'est le même sens que Ya'budu. C'est, au final, le sens de la parole, que ça soit dans, son, que dans cette compréhension-là, dans la compréhension que ce qu'ils ont demandé, c'est du shirk akbar. La parole de Banu Israël et la parole des compagnons, c'est la même chose. C'est le fait de demander quelque chose qu'on va adorer en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le point commun entre les deux paroles, c'est ceci. Après, il rajoute quoi? Il dit « Wa in ikhtalafa al-lafdhain » Même si les deux paroles, elles ne sont pas identiques dans les mots. Si on regarde bien la parole de Banu Israël, « Ija'allana ilahan, kama lahum aliha. » Ilahan, ma'abud. Cache, direct, ma'abud, un adoré en dehors d'Allah. Eux, « Ija'allana dhat anwat, ou ija'allana dhat anwat, kama lahum dhat anwat. » Désigne-nous un arbre, comme eux, ils ont un arbre. Est-ce que la parole, on peut dire qu'elle est semblable? Certes, les mots, ils ne sont pas pareils. Mais est-ce qu'on peut dire que la parole des compagnons, elle est aussi franche, aussi claire que la parole de Banu Israël? Jamais, subhanallah. En étant adl, subhanallah, en étant juste, on ne peut pas dire clairement que la parole des compagnons, elle est semblable à la parole de Banu Israël. Et ce qu'ils ont demandé, c'est désigne-nous un truc, on va l'adorer en dehors d'Allah Jalla wa'ala. Ça, c'est clair qu'ils n'ont pas demandé ça. Mais comme on va le voir dans la parole, inshallah, après de Abba Boutain, c'est qu'ils ont demandé à faire quelque chose qui est du shirk akbar, qui rentre dans l'adoration, il ne savait pas que c'était l'adoration. On va voir la nuance, inshallah, après. C'est une nuance importante aussi. Il dit, وَإِنْ اِخْتَلَفَ اللَّفْذَانِ Même si les deux mots, sont, les deux phrases qu'ils ont prononcées sont différentes. Il dit, فَالْمَعْنَ وَاحِدْ Le sens, c'est exactement le même. Dans cet avis-là. Et il dit, فَالْتَغَيُّرَ الْإِسْمِ لَا يُغَيْرَ الْحَقِيقَةِ فدل على ان التبرك بالاشجار والاحجار شرك اكبر لتسويته صلى الله عليه وسلم بين مقالتهم ومقاله بني اسرائيل وحلف صلى الله عليه وسلم على ذلك وان لم يستحلف مزيد التحذير وكمال الشفقه وتاكيدا لهذا الخبر وتعظيما له فان التبرك بالاشجار والاحجار يجعلها الهه وان لم يسموها الهه فمن يفعله من يعتقد فيها من التبرك بها والعكوف عندها والذبح لها هو الشرك الأكبر وإن سمى عمله ما شاء من الأسماء فأهل هذه الأزمنة يسمون شركهم توسلا وتشفعا وهو من أعظم الشرك Et le fait de changer le nom d'une chose ça ne change pas la réalité de cette chose-là. Comme le hadith que rapporte l'imam al-Bukhari, le professeur sallam, il dit que les gens ils vont rendre licite à la fin des temps certaines choses en changeant le nom, comme le khamr par exemple, comme l'alcool. Le fait de changer le nom d'une chose, ça ne change pas sa réalité. Le fait d'adorer une tombe, tu peux appeler ça tawassul. Le fait de prendre ça comme moyen de se rapprocher d'Allah ou comme intercession, etc. Tu peux l'appeler comme tu veux. D'ailleurs, c'est ces noms-là qu'ont employé les mouchriquins du peuple, le prophète sallam, le Quraysh. Ça ne sort pas, cette chose-là, d'être du shirk akbar qui annule l'islam. Donc là, c'est ce qu'il veut dire. Le fait que la parole des compagnons soit différente dans les mots, ça ne sort pas que c'est du shirk akbar qui est semblable à ce qu'on demandait Banu Israël. Dans cette compréhension-là, toujours. Et donc, il dit que ça montre que « Tabarruk » Le fait de rechercher la baraka, des arbres, des pierres, c'est du grand shirk. Donc Allahu alam, ce qui est l'avis du shaykh ici, c'est que at-tabarruk, le fait de rechercher la bénédiction, il n'y a qu'une forme, c'est le shirk akbar. Encore une fois, le dalil, c'est le fait que le prophète sallam, il est indiqué que leur parole, elle était semblable à la parole de Bani Israël. Il a juré sur ceci, alors qu'on ne lui a pas demandé de jurer, pour vraiment intensifier la mise en garde. Et par shafaqa, pour miséricorde, pour ces compagnons-là qui délaissent cette chose-là et qu'ils reviennent sur le tawhid. Et donc le fait de rechercher la bénédiction des arbres et des pierres, ça en fait des idoles adorées en dehors d'Allah Jalla wa Ala, même si on ne les appelle pas des divinités, si on ne les appelle pas des idoles. Et là il dit, est-ce que font ces gens-là, c'est-à-dire leur croyance dans la bénédiction de ces idoles-là, est-ce qu'ils font, et là il cite des choses, il cite l'ukuf. Encore une fois, ce n'est pas clair dans le hadith qu'ils aient voulu l'ukuf, qu'ils aient voulu stationner à cet endroit-là, à la wajhi ta'zim, par ta'zim, par glorification pour cet arbre-là, c'est pas clair dans le hadith. Ensuite, il dit, wa dhabh. Dhabh, c'est pareil. Est-ce qu'ils ont demandé à un arbre pour sacrifier, pour immoler pour cet arbre-là? Ça, c'est pas clair dans le hadith non plus. Eux, ils ont vu un arbre auquel ils attachaient leurs armes. Wa shirk al-akbar. Il dit encore une fois, comme on l'a dit avant, même si le fait de changer le nom, ça ne change pas la réalité des choses, tu peux appeler le shirk comme tu veux, ça reste du shirk, et les ahkam qui sont liés à celui qui fait le shirk restent les mêmes. Ça, c'est quelque chose qui est connu, tahrir al-asma, la yughayyir la tughayyir la yughayyir al-haqa'iq. Le fait de changer les noms ne change pas la réalité des choses, que ça soit dans n'importe quel sujet d'ailleurs. On peut prendre une bouteille de vin et marquer Volvic dessus, ça restera du vin. Ici, concernant la compréhension du hadith, j'aimerais lire la parole de certains ulama pour montrer que tout le monde n'a pas compris ce hadith-là de cette manière-là, c'est-à-dire tout le monde n'a pas compris que ce qu'ont demandé les compagnons radiyallahu ta'ala anhum rentre et du shirk akbar. Encore une fois, comme on le verra dans un deuxième temps, il convient de dire déjà qu'ils ne l'ont pas fait, ils ont demandé à faire quelque chose. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur cette compréhension-là, il leur a indiqué que c'était du shirk akbar, et évidemment ils ne l'ont pas fait, ils sont tout de suite revenus sur ce qu'ils ont demandé. Ça, c'est la réalité des choses, si on comprend comme ça. Mais on va voir dans la parole de certains ulama que, à la base, c'est pas clair que ça soit du shirk akbar. Et ça en fait un texte qui est, quoi, qui est mutashabé. Ça en fait un texte qui est mutashabé. Car on a dit que le muhkam, il n'a qu'un seul sens. Et que ce sens-là, il est clair. C'est un texte qu'on ne peut pas comprendre de plusieurs sens différents. Contrairement à celui qui est ambigu. Alors attendez juste que je trouve ça. On va commencer par une parole de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Cette parole on la trouve dans son livre Iqtida al-Sirat al-Mustaqim. Donc c'est un livre justement où le shir il a traité Teshabbuh bil Kuffar, où le shir il traite de la ressemblance au mushrikin, et où il a détaillé ce sujet. Et il est arrivé à parler justement de l'histoire de cet arbre-là, de Zat Anwat, et on va voir ce que le shir il dit concernant ça. Le shir, rahimahullah, il dit « وَلَمَّا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ الشَّجَرَةِ يُعَلِّقُونَ عَلَيْهَا أَسْلِحَتَهُمْ يُسَمُّونَهَا Zat Anwat » فقال بعض الناس يا رسول الله اجعل لنا ذات أنوات كما لهم ذات أنوات فقال الله أكبر قلتم كما قال قوم موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة Donc le hadith, jusqu'à là c'est le hadith qu'on a lu, le hadith de Zat Anwat, donc on ne va pas le retraduire. فانكر النبي صلى الله عليه وسلم مجرد مشابهتهم للكفار في اتخاذ شجرة يعكفون عليها معلقين عليها سلاحهم فكيف بما هو أعظم من ذلك من مشابهتهم للمشركين أو هو الشرك بعينه. Donc il cite le hadith de Zat Anwat. Ensuite le Cheikh Rahimahullah il dit: donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a réprimandé ses compagnons-là pour le simple fait d'avoir ressemblé au kuffar dans le fait de prendre un arbre et d'y stationner, en y accrochant leurs armes. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il les a réprimandés sur quoi? Il chérit dit « Mujarrad »« Mujarrada mushabahatihim » le fait de ressembler, que leur demande elle ressemble à ce que le kuffar il faisait. Il les a réprimandés sur ça. Et ce qui nous indique, ce qui nous montre que le shirk, il ne voit pas que c'est du shirk, il dit après, il dit, et qu'en est-il de celui qui va le ressembler dans une chose qui est plus grande, qui est plus grave, et qu'en est-il de celui, ou qu'en est-il du shirk lui-même? C'est-à-dire, qu'en est-il du fait de le ressembler en faisant le shirk comme eux font le shirk? Ou huwa shirku bi'aini. Qu'en est-il dans la ressemblance des mouchriquines en faisant le shirk, dans le shirk, ce qui montre que pour lui, il ne voit pas que ce qu'ils ont demandé, ça rentre dans le shirk aslan. Donc comme on l'a dit, ça revient à la définition de le mutashabi. Le mutashabi, c'est pas un texte clair, c'est un texte qu'on peut comprendre de plusieurs manières. Et à partir du moment où ce texte, on peut le comprendre de plusieurs manières, comme on l'avait vu dans la parole de Shatibi, ça s'appelle même pas un délil, ça s'appelle une shubaha. Et celui qui veut faire d'une shubaha un délit, c'est lui le mubtadi. C'est pas l'inverse. C'est pas celui qui s'accroche à le muhkam et qui délaisse le mutashabih qui est le mubtadi et qui est le takfiri ou le khariji. C'est celui qui s'accroche à la shubaha et qui en fait un délit et qui va contredire les qawaid al-kulliya, les grandes règles de la sharia. C'est lui le mubtadi. Et après le shaykh, il cite une parole qui nous montre ce que on peut comprendre de sa parole, que ce que peut-être les compagnons ils ont voulu faire. Il dit quoi? Il dit faman qasada biqa'atan yarju al-khayra biqasdiha wa lam tastahib ash-shari'atu dhalik fa huwa min al-munkarat wa ba'dahu ashadd min ba'd sawa'an kanat al-biqa'atu shajaratan aw 'ayna ma aw qanatan jariyatan aw jabala أو مغارة وسواء قصدها ليصلي عندها أو ليدعو عندها أو ليقرأ عندها أو ليذكر الله سبحانه وتعالى عندها أو ليتنسك عندها بحيث يخص تلك البقعة بنوع من العبادة التي لم يشرع تخصيص تلك البقعة به لا عينا ولا نوعا. لشغلي فمان. Puisqu'il dit celui qui vit et celui, c'est-à-dire qui vise un endroit bien spécial, en cherchant le khayr, c'est-à-dire ici on peut ramener la baraka, en cherchant la baraka, c'est-à-dire qu'il va, il va se rendre à un endroit bien précis, et il va rechercher la baraka de cet endroit-là. Il va chercher à ce que l'acte qu'il va faire, il soit mieux, que la récompense de cet acte-là soit plus grande. Ici, il y a une nuance. Il dit alors que la législation n'a pas déterminé ou n'a pas précisé une telle chose concernant cet endroit-là. Il dit ceci fait partie des choses qui sont blâmables. Et certaines sont plus graves que d'autres. Il dit que cet endroit-là soit... ou que cet endroit, il dit, que cet endroit soit un arbre, comme le cas de Zat Anwat. Que cet endroit soit un arbre, une source d'eau, ou un canal d'eau, c'est-à-dire de l'eau courante, ou une montagne, ou une grotte. Il dit, et que le qasd, c'est-à-dire que cette personne-là, elle se rende à cet endroit-là, pour quoi faire? Là, il cite des choses. Il dit pour prier auprès à cet endroit-là, c'est-à-dire auprès de cet endroit-là. C'est-à-dire que c'est une personne qui va prier pour Allah Azzawajal, mais il va prier dans un endroit bien précis pour bénéficier de la bénédiction de cet endroit-là. Et ça, c'est pas du shirk. Ça rentre dans at-tashabbuh bil mushrikin et ça rentre dans la bid'ah. Dans le munkarat, dans la bid'ah qui n'est pas shirkiya. Tu ne voues pas l'adoration à un autre qu'Allah. Il voue l'adoration à un autre qu'Allah, à Allah Azzawajal, mais dans un endroit qui n'est pas légiféré. Dans un endroit qui n'est pas légiféré. Il dit où? Qui invoque Allah Azzawajal à cet endroit-là. Ou qui lit le Coran, par exemple, à cet endroit-là. Ou qui évoque Allah Jalla wa Ala à cet endroit-là. Ou qui sacrifie pour Allah Azzawajal à cet endroit-là. Il dit de manière à ce qu'il spécifie cet endroit-là par, ou qu'il vise de manière précise cet endroit-là par une sorte d'adoration. Alors que cet endroit n'a pas été légiféré, c'est-à-dire cet endroit de manière bien spécifique, il n'a pas été légiféré. Que ce soit Aïnen, que ce soit cet arbre-là en particulier, ou une sorte d'arbre qui lui ressemble. Ça, c'est la parole du cheikh. On peut comprendre par là, est-ce qu'on peut comprendre que les compagnons, ils auraient demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de leur désigner un arbre pour qu'ils adorent Allah azawajal, pour qu'ils accrochent leurs armes à cet arbre-là, qu'ils adorent Allah auprès de cet arbre et que par ceci, Allah jalla wa ala, ils mettent la bénédiction dans leurs armes, qu'ils ont accroché à cet arbre-là. Et ça, dans ce cas-là, ça ne rentre pas dans le shirk. Claire, ça rentre dans la bid'a, ça rentre dans al-mushabaha ou tashabbuh bil mushrikin, ça rentre dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, man tashabbaha biqawm fahuwa minhum. Celui qui ressemble à un peuple, il fait partie d'eux. Mais il fait partie d'eux, pas forcément dans le shirk akbar, pas forcément dans une chose qui les fait sortir de l'islam. J'avais une parole d'Ibn al-Qayyim, mais je l'ai perdue, subhanallah. On va lire la parole de. On va lire la parole de l'imam Shatibi, rahimahullah. J'avais une autre parole d'Ibn al-Qayyim qui était conforme à la compréhension de son cheikh Ibn Taymiyyah rahimahullah. Je peux la retrouver rapidement inshallah. C'est une parole qui se trouve dans le livre du cheikh Irathatu al-Lahafan min Masayid al-Shaytan. Deux secondes, je vais la retrouver. Là. Merci la Chamila. Donc le Cheikh Ibn al-Qayyim, rahimahullah, l'imam Ibn al-Qayyim, il a une parole dans ce livre-là concernant ce hadith-là. Donc il cite le hadith comme son Cheikh et après il dit. Il dit, فَإِذَا كَانَ اتِّخَاذُ هَذِهِ الشَّجَرَةِ لِتَعْلِقَ الْأَصْلِحَةِ والعكوف حولها اتخاذ إله مع الله تعالى مع أنهم لا يعبدونها ولا يسألونها فما ظن بالعكوف حول القبر والدعاء به ودعائه والدعاء عنده فأي نسبة للفتنة بالشجرة إلى الفتنة بالقبر لو كان أهل الشرك والبدعة يعلمون. Donc ici, il cite une parole dans son livre « Irathat al-Lahafan » où il dit « Et si le fait de prendre un arbre pour y accrocher ses armes et pour s'y tenir, c'est-à-dire l'ukouf. » Encore une fois, l'ukouf, c'est du shirk s'il est pratiqué sur la wajhi al-ta'zim. Si c'est le fait de l'ukouf, de fréquenter un endroit bien particulier pour les raisons qu'on a citées avant dans la parole d'Ibn Taymiyyah, pour adorer Allah Azza wa Jalla à cet endroit-là, pour invoquer Allah, pour sacrifier pour Allah Azzawajal à cet endroit-là. Certes, c'est une bid'a, parce que cet endroit-là n'a pas été spécifié par la charia, comme l'ont été spécifiés par exemple les mosquées. Là, c'est une bid'a, mais ça n'atteint pas le shirk akbar. Ibn Taymiyyah, il dit par contre, celui qui dit que prier à ces endroits-là est mieux que prier dans les mosquées, ça c'est une parole de kofr. Parce qu'il rejette quelque chose qui est ma'aloum min ad-dini bid-darura. Il va le rejeter quelque chose qui est connu par nécessité dans la religion, que prier dans la mosquée, c'est mieux que prier ailleurs. Il va dire que prier à cet endroit-là précis, alors qu'il n'y a aucun dalil dans la charia, c'est mieux que de prier à la mosquée. Même dans la mosquée du prophète sallam, dans la mosquée de Masjid al-Haram. Si on reprend la parole d'Ibn al-Qayyim, il dit, si le fait de prendre un arbre pour y accrocher ses armes et s'y tenir, c'est-à-dire y stationner, il dit, le fait de prendre une divinité avec Allah, et là, ce qu'il vise, il ne vise pas l'adoration, comme c'est ce qui est confirmé par les mots qu'il dit après. Il vise la parole où Allah Jalla wa Ala dit, Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. As-tu vu celui qui prend comme divinité son hawa? C'est-à-dire tout ce que son hawa, tout ce que sa passion lui montre, il le fait. Tout ce que sa passion rejette, il s'en écarte. Ça, c'est le fait de prendre son hawa comme divinité, mais ça n'atteint pas forcément le shirk al-akbar. Là, c'est pour prendre un arbre comme endroit d'adoration. Sans d'aller, en suivant son hawa, parce que c'est quelque chose que ta passion te pousse à faire. Et après, il dit quoi? Ma'annahum la ya'budunaha. Alors, avec le fait qu'ils ne l'adoraient pas, ils ne l'adorent pas. Wa la yas'aluna, ils ne lui demandent rien. Donc, ça, c'est les deux types d'adoration. Les deux types de dua. Dua al-ibada, ou dua al-mas'ala. Ils ne l'adorent pas, ils n'adorent pas l'arbre, ils ne lui demandent rien. Ils ne commettent pas le shirk akbar, comme c'était le cas de Quraysh avec leur arbre. Il y avait le zabah, il y avait le nuzur, le sadaqat, il a akhiri. Et bon, après, il dit qu'en est-il des gens des tombes, etc., alors qu'ils invoquent les tombes, etc., que c'est plus grave, qu'il n'y a pas de rapport entre les deux. Mais tout ça pour dire que lui, c'est cette manière-là aussi qu'il comprend le hadith de Zat Anwat. Donc, après avoir cité le hadith de Zat Anwat, il dit que il voit que c'est confirme la parole de son shir que ce qu'ils ont demandé, c'est pas de si ça rentre pas dans l'adoration, ça rentre pas dans le shirk akbar. On a aussi une parole de l'imam Shatib rahimahullah où il nous dit quelque chose qu'on va retrouver d'ailleurs à la fin du chapitre. قال الإمام الشاطبي ساسي دون سون ليفر الاعتصام دون الاعتصام يدي كوا يدي أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بما أخذ القرون من قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع فقال رجل يا رسول الله كما فعلت فارس والروم قال وهل الناس إلا أولئك وهو بمعنى الأول إلا أنه ليس فيه ضرب مثل فقوله حتى تأخذ أمتي بما أخذ القرون من قبلها يدل على أنها تأخذ بمثل ما أخذوا به إلا أنه لا يتعين في الاتباع لهم أعيان بدعهم بل قد تتبعها في أعيانها وقد تتبعها في أشباهها فالذي يدل على الأول قوله صلى الله عليه وسلم لا تتبعن سنن من كان قبلكم الحديث فإنه قال فيه حتى لو دخلوا في جحر ضب لاتبعتموهم والذي يدل على الثاني قوله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله اجعل لنا فقوله حديث ذات أنواط فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط فقال صلى الله عليه وسلم هذا كما قالت بنو إسرائيل اجعل لنا إلها الحديث فإن اتخاذ ذات أنواط يشبه اتخاذ الآلهة من دون الله لا أنه هو بعينه فلذلك لا يلزم في الاعتبار بالمنصوص عليه أن يكون ما لم ينص عليه مثله من كل وجه نم الشاطبي دي دونك إن بارول importante, il dit, donc dans le hadith rapporté par Abu Huraira, radiallahu ta'ala an, Le prophète sallam, il a dit que l'heure n'arrivera pas jusqu'à que ma communauté jusqu'à que ma communauté ne suive ou prenne le chemin des communautés précédentes. Shibran bi shibr, en pan par en pan et coudée par coudée, c'est-à-dire de manière, comment dire, un suivi vraiment dans toute chose. Et un homme, il a dit, ô envoyé d'Allah, comme on fait Faris, donc comme on fait Faris ou Rome, comme on fait donc les Perses et les Romains. Et le prophète sallam, il a dit, et qui à part eux, qui en dehors d'eux, les gens c'est eux, c'est-à-dire c'est les gens d'avant d'eux, le prophète sallam, il a confirmé que c'est bien eux qu'ils vont suivre. Et il dit, et ceci, ça a le sens d'un premier hadith qu'il a cité avant, il dit, à part que dans ce hadith-là, il n'a pas cité d'exemple. Il a dit jusqu'à que ma communauté ne suive les communautés d'avant. C'est-à-dire que ça montre. Ce hadith-là, il montre quoi? Il montre que les musulmans, la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle va suivre les communautés d'avant. Les juifs, les chrétiens, les Perses, etc., dans leur égarement, dans leur bid'a. Mais il dit que ce hadith-là, il ne montre pas, du moins il est général. Il dit pas que les communautés, que les musulmans vont suivre ces égarés-là dans leur bid'a, yani bi'ayniha, c'est-à-dire dans exactement la même bid'a, dans exactement dans ce qu'ils ont fait. Mais il dit, ils vont les suivre dans ce qu'ils ont fait de manière exacte, et des fois, ils vont les suivre dans leur bid'a, mais dans quelque chose qui ressemble, qui n'est pas totalement identique. Et concernant la première catégorie de bid'a, que les musulmans vont suivre pas à pas, c'est-à-dire en faisant exactement la même chose, ce qui nous indique sur ceci, c'est le hadith d'Abu Saïd al-Khudri, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est rapporté dans le Bukhari, où il dit que vous allez suivre la voie de ceux d'avant vous. Il dit jusqu'à qu'ils rentrent dans le trou d'un, je crois c'est un serpent, d'ab, jusqu'à qu'ils rentrent dans le trou d'un serpent et vous allez les suivre. Ça, c'est un exemple qui montre yani at-ta'yin, c'est-à-dire l'ittiba' le khas, yani on peut dire. C'est-à-dire ils vont suivre la bid'a, exactement la même bid'a, ils vont faire la même chose. Et il dit, ce qui indique sur l'autre type de bid'a que les musulmans vont faire, qui n'est pas totalement identique à ce qu'eux ont fait, mais qui a une ressemblance, là il a cité justement le hadith de Dhat Anwat. Et il dit, il dit que le fait de prendre, de demander au prophète sallam de prendre un arbre semblable aux divinités des mouchrikines, il dit, il y a une ressemblance là-dedans. Il dit que c'est une ressemblance, mais ce n'est pas tout à fait ce que les mouchriquines, ils ont fait. Il dit, فلذلك لا يلزم في الاعتبار بالمنصوص عليه أن يكون ما لم ينص عليه مثله من كل وجه. C'est-à-dire que la comparaison que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a utilisé, كما قالت بنو إسرائيل, le kaf, là on a dit comment ça s'appelle, harf teshbih. C'est une comparaison, mais c'est une comparaison qui n'est pas totale. C'est une comparaison partielle. Il y a une ressemblance dans leurs paroles. Fi mushabaha, comme il dit Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Il y a une ressemblance. Man tashabaha biqawmin fa huwa minhum. Mais il n'y a pas une ressemblance totale, c'est-à-dire jusqu'à dans le shirk. Il y a une ressemblance dans le fait de désigner une chose qui n'est pas légiférée, etc. Mais il n'y a pas une ressemblance totale jusqu'à imiter les mushrikines en vouant l'adoration à un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il a utilisé ce hadith, l'imam al-Shatibi, pour parler de cette deuxième sorte de bid'a que les musulmans ils vont commettre et qui a une ressemblance à la bid'a des gens d'avant, les Yahoud, les Nasara, les Perses, etc. Alors que le premier hadith d'Abu Sa'id al-Khudri, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit « Hatta idha dakhalu juhra dabbin » لاتدخلتموه dans une version لاتبعوهم. Même si dans un petit trou ils vont rentrer, vous allez rentrer. Ce qui montre que là, il va y avoir un suivi vraiment, assez, comment on dit ça, vraiment pas à pas, comme il dit, shibran bi shibrin, wa zira'an bi zira', dans vraiment dans leur bid'a, dans certaines bid'a. Et dans d'autres bid'a, il y a un suivi, mais c'est une ressemblance. C'est pas quelque chose qui est totalement identique. Donc ça, encore une fois, c'est pour montrer que ce hadith-là, il rentre dans le mutashabih. Que les ulama, ils n'ont pas tous compris la même chose de ce hadith-là. Et encore une fois, on ne trouve pas chez les anciens quelqu'un qui a compris que ce qu'ils ont demandé, que ce qu'ont demandé les compagnons, radiyallahu anhum, rentre dans le shirk al-akbar. Et dire que les mots qu'ils ont employés sont identiques aux mots qu'ont employés Banu Israël, et que c'est simplement la phase qui change, mais que le sens est totalement le même, franchement, c'est quelque chose qui est discutable, c'est quelque chose, wallahu alam, qui est faible, et qui n'est confirmé par personne parmi les ulama al-mutaqaddimin, les anciens, les imams. Et donc, wallahu alam, le plus juste, c'est que ce qu'ont demandé les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est quelque chose que, comme l'a décrit Ibn Taymiyyah, le fait de prendre un endroit bien spécifique pour adorer Allah et de retirer de cet endroit-là la bénédiction pour leurs armes, et en aucun cas, ou de prendre à ce moment-là l'arbre comme sabab, et ça rentre dans le chapitre des sabab qu'on a vu précédemment, le fait de prendre un sabab pour tirer la bénédiction d'Allah jallahu alayhi, un sabab qui n'est pas légiféré, on sait que ça rentre dans le shirk al-asghar aussi. C'est qu'il y en a qui ont parlé de shirk al-asghar sous cette forme-là, il y en a qui ont parlé simplement de bid'a, comme l'a fait Cheikh Ibn Taymiyyah, le fait d'adorer Allah jallahu alayhi dans un endroit bien précis qui n'est pas légiféré, ou d'autres, ils ont évoqué, comme on a dit, le fait de tirer la baraka de cet arbre-là, mais ils savent très bien que la baraka, elle vient d'Allah jallahu alayhi, mais en utilisant cet arbre comme cause, donc une cause qui n'est pas légiférée, comme on l'avait vu, ça rentre dans le shirk al-asghar. Allahu alam, on va arrêter là pour aujourd'hui. La prochaine fois, on verra que même, inshallah ta'ala, même si on comprend que ce qu'ils ont demandé, ça rentre dans le shirk akbar, comment on comprend qu'ils n'ont pas mécru? Et comment on va comprendre qu'on ne peut pas utiliser ce hadith-là pour quelqu'un qui commet le shirk akbar? Et pourquoi ils n'ont pas mécru? Pourquoi le prophète sallam ne les a pas excommuniés? Il n'a pas pratiqué le takfir sur eux? On verra ça, même avec cette compréhension-là, qui est une compréhension faible, que c'était bien du shirk akbar qu'ils ont demandé, pourquoi ils n'ont pas mécru. Et on arrête là, c'est inshallah ta'ala, wallahu alam. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.